doucement leur venue. Sans un soupir, elle s'immisce derrière ses doigts ronds, posés sur son petit accordéon. Elle s'assoit, elle inspire, elle glisse une note en demi-fond, sourit de ses douces lèvres chiffon. Elle attend que le monde avance, s'élance sur la piste de danse, avec ses jambes de foin. Elle tourne bien mieux que ses contemporains. Marion, Marion, marionnette, prends garde, la folie te guette. L'accordéon plein la tête, la fougue plein les gambettes, tu fais siffler les mouflettes, les bambines en jupette. Dans ses rêves d'ingénu, bercée d'un rire, elle s'égare au rythme du son offert par son petit accordéon. Elle se plaît à sentir la lourdeur de ses pieds de plomb, comme l'âme des amoureux du fond. Qui se lève timide, qui avance, s'élance sur la piste de danse, avec son cœur de paille. Elle aime le monde comme le rêveur les étoiles. Marion, Marion, marionnette, l'amour ne te rendra pas bête. L'accordéon plein la tête, bien vissé sur ta nuisette, tu t'attires toutes les risettes des babines, des fillettes. Alors elle continue, sans plus finir, réserver une éternité au son de son petit accordéon. Elle parle sans rien dire, elle rit de voir tous ces garçons fripons, manquant d'éducation. Maintenant tout le monde danse, s'élance sur la piste en cadence, avec ses yeux de faïence. Elle voit la souffrance comme les cons s'en balancent. Marion, Marion, marionnette, la haine tu l'as rendue muette. L'accordéon plein la tête, du soleil plein la casquette, tu fais tourner les emplettes des folqueuses à frisette. L'accordéon plein la tête, du soleil plein la casquette, tu crées en trois temps certes, Marion se rend en cachette.